Sarah Jbelan de la terre, elle rêve de moi sous ravi. Mesdames, mon cœur est déjà pris. T'aimes la personne ou l'artiste? On a grandi dans le bang, ça bosse 10h minuit. On a sorti le fer, histoire des affranchis. J'avais les pieds dans le vide, je compte en moi le jet. J'ai mis les pieds dans le vide, c'est moi qui donne les règles. T'aimes à la vie d'artiste, de plus en plus d'ennemis, de moins en moins d'amis. J'suis toujours dans ma vie. J'ai la vie de rockstar, j'ai la vie de gangsta. J'suis toujours chargé dans la street. Tête en l'air, j'étais mal le siège. J'confonds cerf-volant et cerf plastique. Fini la vente de poche ton 10. Maintenant enveloppe plus de 10 000. Toute la semaine, j'mets des joggings. Même en choquet, j'mets rarement un petit jean. Passe pas par là, y'a la méga car qui vient passer. Gros, c'est la nationale. C'est confond que de parler, que d'aboyer. Mais il faut pas de la maille. J'suis dans le bat, gros, il caille. J'envoie un petit peu chercher ma graille. Pendant j'négocie, choquais en taille. Ouais, mes gros, leurs poches, gros, ils sont fans. Poigné la haute marque, chaîne en rouge sur la peau noire. Pense qu'au bout du couloir, mais le rap se transforme en cauchemar. J'suis loin d'être un trafiquant, mais je connais les vices de la rue. J'attrape tout le temps, perdu donc le meilleur rentabilisé. Poigné la haute marque, chaîne en rouge sur la peau noire. Pense qu'au bout du couloir, mais le rap se transforme en cauchemar. J'suis loin d'être un trafiquant, mais je connais les vices de la rue. J'attrape tout le temps, perdu donc le meilleur rentabilisé. J'comptais finir dans la rue, mais j'ai fini en vie d'artiste. J'suis que de passage, j'suis que de passage, c'est que de l'image, c'est que du vice. Sur le terrain, y'a pas d'arbitre, on a fumé le numéro 10. Nouvelle monnaie, nouvelle groupie, comme dit Bolé, c'est moi qui ai dit. Le disque est doré pour les ennemis, tout est doré pour mes ennemis. Elle a vu ma paire de rap, elle plaque sa mère, cette pute, elle est tombée la bite. Putain, Tchako, t'es un fumier, sans force, et tu viens les fumer. Cigale remplie, zénith remplie, y'a son père qui vient en parler, yo. Mon poignet la haute marque, chaîne en rouge sur la peau noire. Parce qu'au bout du couloir, mais le rap se transforme en cauchemar. J'suis loin d'être un trafiquant, mais je connais les vices de la rue. J'rattrape tout le temps, perdu, donc je me mets rentabilisé. Mon poignet la haute marque, chaîne en rouge sur la peau noire. Parce qu'au bout du couloir, mais le reste se transforme en cauchemar. J'suis loin des mêmes trafiquants, mais je connais le vice de la rue. J'rattrape tout le temps, perdu donc le meilleur rentabilisé. Son poignet la haute marque, chaîne en rouge sur la peau noire. Parce qu'au bout du couloir, mais le rap se transforme en cauchemar. J'suis loin d'être un trafiquant, mais je connais les vices de la rue. J'attrape tout le temps, perdu donc je me mets à rentabiliser. Le poignet la haute marque, j'ai mon rouge sur la peau noire. Parce qu'au bout du couloir, mais le rap se transforme en cauchemar.